Les Prédateurs de Nashville ont confirmé hier que Samuel Girard allait débuter l'année avec l'équipe. On sait que le joueur natif de Roberval, qui a été un choix de deuxième ronde des Prédateurs en 2016, a suffisamment impressionné la direction pour s'assurer de commencer l'année. Il faut dire que la blessure de Ryan Hollis a facilité la tâche. Trou d'un coup au club de golf de Deboum Sassini récemment, c'est Dominique Caouette qui a réussi l'exploit au trou numéro 5. Et en terminant, ben, on peut parler qu'il y avait un match de basketball hier dans la Ligue senior et victoire de la Montmalté 103 à 49 sur le Riverside. Mathieu Guérette a inscrit 20 points dans la victoire. À noter que Chris Simard-Martel a été le plus productif dans la défaite avec 18 points. J'invite à écouter la section entrevue de DanaiseSport.com. Hier, on a parlé avec Jason Lajeunesse, l'instructeur-chef du Marcos Pub de Saint-Félicien. Également, je me suis entretenu aussi avec Claude Raymond. On sait qu'en fin de semaine, Raymond Lebrun est décédé. Raymond Lebrun qui a été la voix des expos pendant plusieurs années à Radio-Canada. Claude Raymond l'a bien connu puisqu'il était l'analyste aux côtés de Raymond Lebrun. Donc, il nous en parle. Et vous pouvez écouter les autres entrevues dans la section entrevue de DanaiseSport.com. Le sport local et régional... À DanaiseSport.com, on s'en occupe.